Bonjour famille. Attends, je vais peut-être le faire un peu plus. Bonjour famille. Bonjour famille. Je suis le peintre. Je suis le peintre. Je suis le peintre. Je suis le peintre. De toute façon, s'il faut refaire, je le referai. Non, j'attendais une inspiration. Votre famille m'inspire, visiteur du musée. Non, j'attendais une inspiration. Votre famille m'inspire, visiteur du musée. Votre famille m'inspire, visiteur du musée. Si vous êtes au complet, il ne manque pas la maman. N'oublions pas, une famille, c'est quatre mamans, six papas, 27 cousins. Je sais plus, ça fait longtemps que je suis pas allé à la manif pour tous. Si vous êtes au complet, il ne manque pas la maman. Ok. Je vois. Eh bien, nous verrons si la peinture sera assez puissante pour évoquer son esprit parmi vous. Nous verrons si la peinture sera assez puissante pour évoquer son esprit parmi vous. Attends, faut que je laisse traîner ça. Je vois. Eh bien, nous verrons si la peinture sera assez puissante pour évoquer son esprit parmi vous. On va dire que c'est bon. Venez, venez. Posez par ici. Venez, venez. Posez par ici. Venez, venez. Posez par ici. Quelle laideur. Quelle inspiration. Quelle laideur. Quelle inspiration. Quelle laideur, quelle inspiration. Votre fille, sa crise. Je voudrais la peindre. Est-ce que mon micro est... Je sais pas si ça ira. Votre fille, sa crise. Je voudrais la peindre. Je voudrais la peindre. Allez, dites oui. Allez, dites oui. Allez, dites oui. Alors, c'est vous qui êtes dans mon espace? Alors, c'est vous qui êtes dans mon espace déjà, hein? Alors, s'il vous plaît. Alors, c'est vous qui êtes... Pardon. Alors, c'est vous qui êtes dans mon espace et... Alors, c'est vous qui êtes dans mon espace et... Alors, c'est vous qui êtes dans mon espace et... Personne ne comprendra jamais l'importance de mon art. Ingrat, idiot, vous ne savez même pas ce que vous faites rater au monde de la peinture. Personne ne comprendra jamais l'importance de mon art. Ingrat, idiot, vous ne savez pas ce que vous faites rater au monde de la peinture. Voilà, je vais le refaire encore une fois. Personne ne me comprendra jamais l'importance de mon art. Ingrat, idiot, vous ne savez pas ce que vous faites rater au monde de la peinture. Ouais, je le fais complètement différemment, mais on sait jamais. Personne ne comprendra jamais l'importance de mon art. Ingrat, idiot, vous ne savez pas ce que vous faites rater au monde de la peinture. Vous ne savez pas ce que vous faites rater au monde de la peinture. Voilà, si vous me dites ce que je devrais refaire. Bisous!